C'est réussi. Bienvenue au Lobster 100.0. Et oui, on y est, le Lobster 100.0. Et juste le début de cette chanson a suffi à me mettre dans le bon moule. Cet épisode, je le prépare depuis un certain temps. 100 épisodes. Pourquoi je fête le 100e et non pas le 108e ou le 74e? Je ne sais pas. J'imagine que c'est marquant comme chiffre. 100. J'ai cherché par curiosité sur Google. 100 chiffres significatifs. Et je trouve quoi? Ceci. L'apparition régulière du nombre 100 est un signe venant du royaume angélique. S'il revient souvent, c'est qu'il cache un message de la part de vos anges gardiens, et c'est en cherchant sa signification que vous découvrirez ce message angélique. Bon, un titre qui parle des anges. C'est pas ce que je cherche. Non, c'est pas ce que je cherche. Donc, peu importe la raison, l'épisode 100 du Lobster va être comme une fête. Yeah, baby, yeah! Un épisode spécial, une réflexion sur l'aventure Lobster. Une aventure qui d'ailleurs a commencé en mai 2018. C'est là qu'est arrivé le premier épisode du Lobster. Un petit épisode 0.1 pour tester comment tout ça marchait. 4 pré-épisodes pour faire des ajustements. Apprendre à jouer avec Audacity qui, lui, me permet d'enregistrer et de mixer le Lobster. 4 pré-épisodes suivis d'un lancement officiel de l'épisode 1 du Lobster le 23 juin 2018. Pour moi, l'inspiration du Lobster part d'un film. Un film que j'ai vu quelques fois. Le film Pump Up the Volume. Vous trouvez pas, vous, que l'Amérique est vraiment dans une merde totale? Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que le pays est à deux doigts de dire ras-le-cul. Il y en a marre. Quoi, c'est pas vrai, tout est pollué. L'environnement, le gouvernement, les lycées, il y a le choix. Tiens, en parlant de lycée, l'autre jour, je glandais dans les sacro-saints couloirs, je me suis demandé, est-ce qu'il y a une vie après le lycée? J'ai déjà du mal à imaginer demain, alors une année entière de cette merde. Ouais, dans le mille et mille. C'est encore moi et mes conseils de savoir-vivre à l'usage de tous, bande de petits vénards. Vous tous, braves gens qui habitez America the Beautiful. Voyons voir, on est sur 92 FM ce soir. Pour l'instant, c'est une jolie petite fréquence bien peinarde. Personne pour nous faire chier, le paradis. Eh oui, les gourdins, vous avez tout bon. Ce soir, je bande comme un piano à queue, alors restez branchés parce que votre potard électrique a des tas de trucs à vous dire, comme de bouffer des céréales avec une fourchette. De faire vos devoirs dans le noir. Vous trouvez pas, vous, que l'Amérique est vraiment dans une merde totale? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un film de 1990. Et cette phrase est quand même encore d'actualité. Bref, c'est ce film qui, un jour de juin 2018, alors que je venais de le réécouter, me donner le goût de me créer ma propre émission. Bien sûr, j'ai d'autres influences, mais c'est probablement ce film le déclencheur. Maintenant, petit moment d'histoire. Quelle a été la première chanson jouée dans le Lobster 0.1? Eh bien, c'est celle-ci. Dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Le choix de cette première chanson que j'ai jouée dans mon émission n'était pas totalement anodin. Oui, j'aime Indochine. J'ai toujours adoré ce groupe et son histoire un peu triste avec la mort du guitariste Stéphane Sirkis en 1999. Mais cette chanson, qui parle de Bob Moran, vient aussi rejoindre une autre de mes passions. Je suis évidemment un grand fan de bande dessinée. Bob Moran en fait partie. D'ailleurs, si vous voulez lire un bon roman, je vous l'ai déjà dit, le cycle d'Ananke impliquant Bob Moran et Bill Ballantyne est un très bon choix. Mais pour en revenir au BD, je suis un vrai fan. Si je regarde ma liste, j'en ai présentement 1899 dans ma collection. Si je regarde mes stats pour l'année 2019, j'en avais acheté environ 800, usagés bien sûr, mais c'est quand même beaucoup. Et sans surprise, la pandémie a eu un gros effet sur mes achats de BD. J'en ai acheté seulement une quarantaine depuis le début de la pandémie. Comme quoi, j'ai vraiment coupé mes sorties durant cette période. Et pourquoi je suis passionné des BD? Eh bien, ça remonte à loin. Je me souviens que j'en ai toujours lu. J'ai toujours eu l'amour de la lecture. Et l'été, je me souviens que je partais en bicycle de chez moi. Au Saguenay, je devais rouler sûrement 30 ou 45 minutes pour me rendre à la bibliothèque sur la rue Racine. J'empruntais une douzaine de BD en loadant tous les cartes familiales et je ramenais ça à la maison pour les lire. Donc, d'après mes souvenirs, j'ai toujours eu cette passion des BD. Je termine d'ailleurs habituellement toujours mes journées de la même façon. Je lis une ou deux BD chaque soir en me couchant. Bref, ceci expliquant cela, vous comprenez le choix de cette chanson d'Indochine comme chanson de départ du Lobster. C'est aussi dans ce Lobster 0.1 que j'ai réécouté dernièrement que je vous avais raconté une histoire un peu folle. Comment j'avais perdu mon chien. Eh bien, on va la réécouter cette histoire un peu plus tard. Mais avant tout, je vous ai préparé un petit chef-d'œuvre. Une pièce de théâtre que j'ai écrite en deux jours et que j'ai joué et enregistré le troisième jour. Mais pourquoi? Il y a quelque temps, à Télé-Québec, nous avons pu écouter la pièce de théâtre « La face cachée de la lune » de Robert Lepage. Et deux ou trois jours après cette écoute, j'écrivais ma pièce. Je suis quelqu'un qui aime créer. Je me lance des défis à moi-même. Je l'ai déjà dit, je mène à terme environ deux ou trois projets sur les cinq que je lance, ce qui est un bon ratio pour moi. Ça me satisfait, ça me garde occupé, ça me rend heureux. Donc, pour débuter ce 100e épisode qui est déjà bien entamé, je vous présente ma pièce qui se nomme « Le diable au bout des doigts ». Elle dure 23 minutes, quand même, c'est du sérieux. Voilà, on écoute ce que j'ai enregistré il y a quelques semaines pour vous. Pour ce 100e épisode, on a le troubadour du spectacle, le ménestrel du divertissement qui a tenu à vous écrire et préparer un petit spectacle. Une pièce de théâtre, en fait. Donc, pour vous, en primeur, je vais vous jouer ma pièce, Le diable au bout des doigts. Place au théâtre. En 5, 4, 3, 2... Après une soirée arrosée, Eddie se réveille dans un lit d'hôpital. Angoissé, il cherche à comprendre ce qui ne va pas. Vous êtes bien au chaud? Pas moi. J'ai froid. Très froid. Avec la tempête et le froid dehors, je serais bien mieux à la maison que dans cette prison. Je serais bien mieux dans mon grand lit queen, bien à m'étouffler sous mes deux couvertes de laine, sous mon duvet. Ici, le courant d'air froid qui s'infile par la fenêtre mal calfeutrée agresse ma peau de sa morsure. Hashtag MeToo, le froid. Bien sûr, je l'ai dit à l'infirmière. Je lui ai dit que cette chambre où ils m'ont enfermé est aussi bien isolée qu'une étable. Et que si elle ne me laissait pas sortir rapidement, j'allais sûrement mourir gelé. Mais Jacinthe, c'est comme ça que se nomme ma tortionnaire. Jacinthe, elle veut pas. Elle veut pas que je me lève. Elle veut pas que je m'habille. Elle me dit qu'elle m'apporterait une deuxième couverte de laine et m'a demandé de dormir un peu en attendant. Pour me calmer, on attend mes résultats. Mais pourquoi?

Moi, ça doit faire 6 ou 7 fois que je réécoute la pièce et je suis pas mal fier. J'aime comment mon cerveau arrive à pondre de telles choses. Et ne voyez ici aucune arrogance ou toute espèce de vantardise quand je dis ça. Je me prends pas au sérieux. Tout ce que je le fais pour le plaisir et n'hésite pas de passer d'un projet à l'autre au gré de ce qui me plaît. Et j'ai tellement aimé l'expérience qu'il n'est pas exclu que j'en réécrive une autre dès que j'ai une bonne idée. Donc j'espère simplement que vous avez aimé votre expérience, vous aussi. Oui, il y a des choses que j'améliorerais maintenant à l'avoir réécouté plusieurs fois, mais bon, ce projet est né une journée, a vécu 2 jours avant de se terminer le 3e. C'est un projet popcorn. Tu y penses, tu le mets au micro-ondes, c'est prêt, tu l'engloutis et c'est fini. Par curiosité, je suis allé voir quel avait été le numéro de Lobster le plus écouté. Et c'est le Lobster 70.0. C'est un épisode spécial avec mon personnage Foxy Mox, l'animateur de radio du Saguenay. Cet épisode avait été vu 299 fois quand j'ai vérifié. Donc oui, le personnage reviendra, faut croire que vous aimez ça. D'où est né ce personnage? Eh bien, vous le savez, je viens du Saguenay, de Chicoutimi, et j'ai un gros attachement à ma région natale. Donc, la majorité des choses que j'invente dans ces épisodes du Lobster avec Foxy Mox me permettent de parler de choses, de lieux, d'aventures reliées au Saguenay. Ce sont toujours des épisodes qui me font rire quand je les enregistre. Des fois, j'ai des fous rires. Je suis tout seul devant mon micro et j'écrase de rire. Ces épisodes sont un peu plus longs à préparer et à mixer, mais j'essaie d'en faire quand je peux. Pour le reste des stats, je n'en ai pas vraiment, car sur le site de PodCloud où je mets mes épisodes disponibles, j'ai lu qu'ils boostaient les stats, donc les chiffres que je vois ne veulent pas dire grand-chose. Donc le seul chiffre que je regarde, c'est directement sur archive.org, l'endroit où je dépose mon fichier sur Internet. Eux m'indiquent le nombre de fois qu'un fichier a été téléchargé. C'est là que je peux voir le 299 téléchargements pour l'épisode 70. Savez-vous, en 3 ans, par combien d'auditeurs du Lobster j'ai été contacté ou qui ont donné signe de vie? J'exclus ici mon ami Martin qui mérite la médaille de l'auditeur le plus actif, mon frère ou mes amis proches. Eh bien, le nombre est de 2. 2 interactions en 3 ans avec des gens que je ne connaissais pas. À un moment donné, je me suis même demandé si ma page Facebook était bien accessible. Mais oui, c'est pas ça. Faut croire que mes auditeurs sont discrets et parmi les 2, un seul m'a contacté, l'autre c'est moi qui l'ai contacté. Une chance que je fais ça pour mon plaisir, car si j'étais à la recherche de codes d'écoute, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Mais non, il faut jamais abandonner. Venez à leur rencontre. Pour la mort et la gloire. Pour le Rohan. Pour votre peuple. Le soleil se lève. Attendez ma venue aux premières lueurs du 5e jour. À l'aube, regardez à l'est. Oui. Oui. Le corps de Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre. Une dernière fois. Oui. Voici venu l'heure de tirer l'épée ensemble. Anecdote. Dans un des Lobsters, j'ai même offert de vous envoyer gratuitement par la poste le livre de fantasy que j'ai écrit, Le jeu de la reine. Et j'ai eu aucune demande. Des fois, je me demande si c'est parce que les gens ne me prennent pas au sérieux. Me semble, moi, si quelqu'un m'offrait de m'envoyer un gros livre de fantasy de 600 quelques pages gratuitement, je serais content. Mais bon. 0 demande. En passant, l'offre est toujours valide, juste m'envoyez vos coordonnées via la page Facebook du Lobster. Donc, après 3 ans de Lobster, je peux vous confirmer que côté réseaux sociaux, je n'ai jamais eu de problème. Personne ne m'a manqué de respect, aucune chicane, aucun message haineux ou embarrassant. Je vous remercie. Enfin, merci à Martin de ne pas m'insulter, t'es le seul qui m'écrit. Sur ce, écoutons un petit peu de musique. Et pour ce Lobster 100, j'y vais uniquement avec mes pièces favorites, ou bien mes découvertes favorites. Mes valeurs sûres, des morceaux que vous avez déjà entendus dans d'autres Lobsters et que moi j'écoute en boucle dans mes playlists. Car habituellement, j'essaie de vous passer de nouvelles chansons à chaque Lobster. J'ai un gros fichier Excel que je tiens à jour depuis le début et habituellement, je valide si je vous ai déjà passé une chanson. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a le groupe Sabaton, Ghost, Metallica et Powerwolf que j'aime un peu trop et dont je repasse certaines chansons. Mais bon, trêve de blablabla. Écoutons une chanson ou deux pour se faire du bien. dreams and I'll break. Release me from your spell. Holding out for something. Parlant de chansons, j'ai une anecdote rigolo sur une des chansons jouées dans un des 100 Lobsters, ma chanson mystère. En fait, c'est une chanson dont j'ai oublié le nom, mais je sais que j'aime, mais je suis incapable de la retrouver. Et j'aimerais ça, car je sais que je l'aime, et je trouve pas son nom dans mon gros fichier Excel. La seule chose dont je me souviens, c'est que dans le vidéo, c'est des chats qui dansent. Un homme et une femme déguisés en chats arrivent à tour de rôle et se mettent à danser. C'est un peu vintage, musique électronique, c'est brun. Eux sont gris, il me semble, et ont le visage maquillé en chat. Mais fouillez-moi, j'ai oublié le nom de la chanson. Et je suis quand même pas pour réécouter 100 émissions de Lobster juste pour retrouver le nom. J'ai demandé à plein de monde le nom de cette chanson, mais personne ne sait. Ça reste un mystère. Certains me diront, as-tu cherché dans Google ou YouTube? Oui, j'ai essayé. Mais quand tu mets chat qui danse ou ce genre de mots-clés dans une recherche, que pensez-vous que je trouve? Des vidéos de chats idiots qui dansent, des vidéos de chats, il y en a des millions. Tout le monde filme son chat qui a peur d'un cocon. Bref, je me suis tanné assez vite de chercher. Donc, c'est pas la veille que je vais retrouver le nom de cette chanson. Mais un jour, je vais sûrement finir par la réentendre et pouvoir faire un Shazam dessus pour trouver le nom. Dès que c'est fait, je pourrai vous la rejouer. J'aurais aimé la retrouver pour l'épisode 100, mais non, elle reste ma chanson mystérieuse, qui mérite que je poursuive les recherches. Cherche quelque chose? Un cheval? C'est pas ce que je cherche. Un chien? C'est pas ce que je cherche. Un chat? Yeah, baby! Yeah. Parlant toujours d'épisode 100, j'ai mon frère qui a lui aussi atteint son épisode 100. Avant moi, avec son canal YouTube, One Riff a Day. Chaque jour, il fait un cover ou un riff à la guitare, il se filme et nous met ça sur Internet. Et pour son numéro 100, il a fait ma chanson. Je sais pas s'il le savait, mais lors de sa 100e, il a fait un cover de ma chanson spéciale. C'est quoi cette chanson-là? Eh bien, cette chanson est comme un déclencheur pour moi. J'entrerai pas trop dans les détails, mais si je l'entends par hasard, je me demande toujours ce qui va m'arriver. J'ai trop d'anecdotes autour de cette chanson qui malheureusement ne se racontent pas en ondes. Bref, une chanson qui a une signification pour moi et comme par hasard, mon frère l'a fait dans son épisode 100. Et là, je cherchais la signification de tout ça. Et j'ai pas trouvé. Au début, je me demandais est-ce que je devrais arrêter de produire le Lobster vu que pour son épisode 100, il a fait cette chanson. Bref, mon esprit tordu se posait des questions. Mais finalement, j'ai conclu que c'était juste un beau hasard. Et seuls certains de mes amis proches sauront vraiment ce qui m'est arrivé suite à cette chanson. On l'écoute donc. Si vous voulez voir mon frère faire des faces bizarres, allez voir sur YouTube One Riff a Day numéro 100 Rhythm is a Dancer Attempt Cover. Sinon, l'autre cover que mon frère a fait et que j'adore est celle de la série Gravity Fall. Je vous en ai déjà parlé. Gravity Fall est une série pour ados-adultes tellement bien faite. Moi, j'avais appris à la jouer sur mon synthétiseur tellement j'aimais la série. Bref, on écoute la version que mon frère a fait de la chanson de cette série. Bon, maintenant parlons d'un autre moment marquant de ces Lobsters. C'est récent, c'est ma chanson Rewind FS Restart, sortie dans le Lobster 95. J'avais fait ça pour rire, car des fois je fais des erreurs en enregistrant le Lobster et je recommence pour que ça sonne bien. Et cette chanson, je l'ai fait écouter à mes deux garçons. Et voici quelles ont été les réactions. Le premier à l'écouter, mon plus jeune, j'étais allé le chercher à l'école. Et en revenant à la maison, je lui dis « Hey, j'ai fait une chanson, tu veux l'écouter? » Et là, dès que j'ai mis la chanson, il s'est couvert les oreilles, s'est penché la tête entre les jambes et disait « Non, non, non ». Il était surpris, j'imagine. Moi, ça me faisait rire. Ensuite, je l'ai fait écouter à mon plus vieux à la maison. Lui, il trouvait ça drôle. Bref, pour moi, c'est un des moments forts de ces Lobsters. Chanter une chanson alors que j'ai pas de talent dans ce domaine. Et oui, on la réécoute. Okay, okay, okay, a brand new lobster beat from me. Habituellement, j'efface mes erreurs. D'un simple clic, je retourne en arrière. Rewind, efface, restart. Rewind, efface, restart. Okay, okay, okay. La langue qui fourche n'a pas la place dans ma bouche. La bouche qui louche n'a pas la place dans ta fourche. Le son qui gêne, l'erreur qui tue. Aucune violence ne sera tolérée dans ce lobster réservé aux privilégiés. Rewind, efface, restart. Rewind, efface, restart. Ok, ok, ok. Pendant que le texte défile en longue procession de mots que mon cerveau ingère à la vitesse d'un escargot, un simple repos redonne un sens au sens de mes propos. Habitué à performer dans un micro au grillage perforé, je torpille les enregistrements de voix nasillardes au goût de pleurotes délectables. Avant un retour au carrefour giratoire du mot, plan élémentaire qui ne demande pas d'avoir son secondaire. Je rewind, efface, restart. Rewind, efface, restart. Restart. Ok, ok, ok. Pas de cinéma, je ne fais pas un sou grâce à mes mots. Seul le plaisir d'écrire, de lire et de jouir de mes idées dans vos tympans asexués donne un sens à ce podcast. Rewind, efface, restart. Rewind, efface, restart. This is the end of the Lobster Rap. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Drop the mic. Rewind, efface, restart. Play. Quand même, je coche pas mal de choses sur ma checklist avec le Lobster. Écrire une chanson, check. Écrire et jouer une pièce de théâtre, check. Ne pas avoir peur d'avoir l'air fou, check. En début de Lobster, je vous avais parlé de la première histoire que je vous ai racontée dans Lobster 0.1. Avant que je l'oublie, on la réécoute. Oui, j'avais un chien avant. J'en ai eu deux en fait. Mais bon, l'histoire est un peu romancée. Comme chaque fois que je vous raconte des histoires, il y a toujours une petite portion où vous devez vous questionner. A-t-il vraiment fait ça? Des fois oui, des fois non. Avant de vous repenser l'histoire, je vous explique un peu son origine. Sur ma checklist, j'ai quelque chose que j'ai pas encore coché. Aller dans un open mic. Et oui, Je dis pas qu'un jour je m'écrirai pas un numéro et que j'irai pas le jouer sur scène dans un bar de Montréal. Donc cette histoire de chien est une tentative de m'écrire un numéro. Mais j'ai rapidement réalisé que j'avais pas encore ce talent pour écrire des numéros drôles. Il faudrait que je prenne une formation. Ne s'improvise pas humoriste qui veut. Prémisse, setup, punch. Il y a des notions que j'aurais besoin de connaître. Donc pour l'instant, ça reste sur ma checklist de choses à faire. En attendant, on écoute l'histoire du chien perdu. Millie! Millie, viens ici de mon chien! Faut que je vous raconte comment j'ai perdu mon chien. L'été passé, je montais au chalet, parti de Montréal au matin, ça roulait bien. Saint-Hyacinthe, Drummond, Val-Alain, Laurier Station, Québec. Puis là, je pogne le parc des Laurentides. Rendu à l'étape, j'arrête. Faut bien pisser. J'enlignais un kilomètre. Il faisait beau. Le soleil brillait. La vie était belle. J'écoutais ma musique. Rendu à Chicoute, j'enligne vers la baie. Arrivé à Saint-Félix, je fais le tour du lac. Pas le choix, la route fait le tour du lac Otis. Puis je vois au loin que mon cousin a l'air chez eux. Son gros pick-up noir est parqué dans son entrée. Mon cousin, il est bien smart. Puis je l'aime bien. Il a un peu le look de Danny DeVito qu'on aurait mélangé avec le bonhomme carnaval. Donc moi, je roule, puis quand j'arrive proche de chez eux, je ralentis, puis je tourne pour monter dans son entrée de garde-notte. En campagne, c'est pas comme en ville. L'asphalte, ils en mettent juste sa route. Puis pas tout le temps, parce que moi, pour me rendre au chalet, je fais un bout de sa garde-notte. Fait que je me parque chez eux, puis je débarque. Puis Millie, ma chienne, debout sur le banc arrière, elle jappe. C'est normal, c'est un chien. Elle veut juste me dire qu'elle est contente, puis qu'elle veut débarquer. Ou bien qu'elle a envie de pisser. J'ouvre la porte, puis je la vois-tu pas filer direct dans la forêt en arrière de la maison chez mon cousin. Elle court aussi vite que Trompe réfléchit avant d'écrire ses tweets. Elle pogne une trail, puis elle disparaît dans la forêt. Je regarde chez mon cousin. Lui, il a pas l'air de m'avoir vu arriver. Il dort peut-être, parce que des fois, je pense qu'il travaille de nuit, quand il fait le pompier volontaire. Il a peut-être travaillé sur une grosse boucane la nuit passée. Peu importe. Moi, je fais ni l'un ni deux, puis je pars à course pour attraper mon innocent chien. Je monte la trille. Puis je monte encore. C'est comme ça au Saguenay. Partout où tu vas, ça monte. Puis j'ai chaud. Plus je cours, plus je monte. Puis plus je monte, plus j'ai chaud. Je pisse des grosses gouttelettes de sueur de mon front. C'est normal, j'ai le gros soleil qui me tape sur le dessus de la tête. Puis j'ai oublié de me mettre ma casquette pour me protéger. Puis il y a de la mouche. On est en plein été. Les frappes à bord sont gros comme des bleuets des étangs. J'ai précisé la provenance des bleuets, parce qu'au Saguenay, c'est comme notre petit secret. Mais on a juste des petits crises de bleuets, rien à voir avec les gros bleuets des étangs. Donc moi, j'ai chaud. Je me fais piquer sur les bras, dans le gras des oreilles, par des grosses mouches écœurantes. Mais je me parle, ce chien-là m'a coûté 2000$ parce qu'il y a de la race dedans, il n'est pas question que je le laisse se perdre dans les bras. Après 15 minutes d'une course à la Kipergong, qui me laissait tout mouillé dans mon linge, puis que j'ai boité mes beaux running dans le sous-bois humide, j'arrive dans une clairière où il y a une grosse statue. Une statue de Vierge de l'Immaculée de 10 pieds de haut. Pas celle qui surplombe le fjord à Cap-Trinité dans le prochain village, mais dans le même genre, plus petite, mais avec la même peinture bleue puis blanche, tout écaillée, avec les deux mains jointes. Puis le regard triste, comme un catholique qui voit la quête arriver à son banc. J'appelle mon chien. Millie! Millie! Millie! Parce qu'il n'y a plus de chemin. Moi, je sais plus où aller. Là, je m'inquiète en tabarouette. Pas pour ma chienne, mais pour la tourtière congelée que j'ai laissée dans le coffre du char en plein soleil. Si je me dépêche pas à revenir, elle va dégeler. Puis moi, de la tourtière dégelée, j'ai aucune idée du temps que ça prend à cuire, parce que sur le papier que le cuisinier a collé sa tourtière, il dit bien « ne pas décongeler avant de faire cuire ». Donc moi, si je veux pas être fourré au chalet avec mon temps de cuisson, je suis mieux de retrouver ma chienne puis de retourner au char au plus sacré pour starter l'air climatisé. Millie! C'est là que j'entends. Fred! Fred, c'est moi. Fred! M'a t'ordonné ton chien si tu m'écoutes! La grosse voix lugubre vient de la statue. Le visage de la statue se transforme sous mes yeux. Elle se déforme puis a maintenant des yeux qui luisent d'un rouge de sang. Mais faut que je vous dise, les affaires de Sainte Vierge qui saignent des yeux, puis du petit Jésus qui marche sur l'eau, pas sûr. L'eau en vin, les vieux gribitches qui remarchent, j'avoue que j'ai jamais vraiment cru à ça. Je pense plus que c'est des histoires inventées par une gang de vieux cathos barbus qui avaient bu un peu trop de bagosse au maïs dans leurs ateliers. Mais là, la chienne me poigne. Pas mon chien, mais la peur me poigne. Je crie « Mon cousin, c'est-tu toi qui me niaises? » Parce que mon cousin, je vous l'ai déjà dit, je l'aime bien. Puis ben, des fois, j'y fais des farces. Donc, il pourrait avoir des raisons de vouloir me rendre l'appareil. Mais j'y pense. J'ai pas dit à personne que je descendais au chalet aujourd'hui. C'est qui, cette voix-là? Femme-moi ton homme! Qui c'est qui parle, tabarnouche? J'ai dit, femme-moi ton homme! Là, les bras de la statue qui priait se sont disjoints. Puis je la vois briser d'un seul coup le soc de pierre dans lequel elle était prise. Puis elle s'avance vers moi. À chaque pas qu'elle fait, sa vieille peinture se craquelle encore, puis tombe autour d'elle. Fred, j'ai attiré ton chien ici pour te parler. Vends-moi ton âme, puis je vais te redonner ton chien puis des richesses comme t'en as jamais eu. Sacrement, moi j'en ai rien à faire de ces richesses. Je travaille puis je manque de rien. Je veux juste mon chien puis sacrer mon camp. Mais je suis pogné là, figé comme un beau cave. Puis la statue qui s'avance vers moi, les deux bras tendus. Puis c'est là que ça commence à sentir la mort. Pas que je cherche chez quoi que ça sent la mort, mais il y a une odeur de terre pourrie puis de vers de terre oublié dans la glacière depuis une semaine qui me monte dans le nez. La même odeur qu'un compost de végétalien. Là, le temps est comme au ralenti, comme dans les passe-passe du combat du film de la Matrice. Puis fait noir, noir comme dans Noir comme chez le diable. Le soleil est caché par des gros nuages qui se sont formés au-dessus de nos têtes. Ça, je me dis, c'est pas une mauvaise chose. Ma tourtière va décongeler moins vite. Mais il commence à mouiller. Moi, j'écris à statue, « T'es qui, toi? » C'est là que la tête hideuse commence à me cracher son venin en sorcelant. « Moi, c'est Belzébuth, prince des enfers et chef suprême de l'Empire infernal. Puis je récolte des âmes pour Lucifer, l'ange déchu. Vends-moi ton âme pour des richesses puis des plaisirs terrestres. » C'est à ce moment-là que je sens qu'il n'y a pas juste la pluie qui mouille mon entrejambe. Je pense que je me pisse dessus. Mais là, je ne sais pas si c'est sous l'effet de mes cuisses qui se réchauffent, mais je défige. Puis j'attends pas que ça sèche, je revire de bord, puis chaque mon camp. Je descends la côte, les jambes au cou, chaude dans mon char, puis au diable le chien. La garnotte revole sur les portes du beau garage du cousin qui dort encore. J'ai jamais revu mon chien. Puis j'ai jamais osé raconter cette histoire-là avant aujourd'hui. Ce soir-là au chalet, ma famille a trouvé que j'avais pas mangé bien gros. Pas que j'avais pas faim. La tourtière, ça rentre même quand on n'a pas faim. Mais ce soir-là, je trouvais que la tourtière avait un goût de mort dans ma bouche. Mais ça devait sûrement être juste pour moi, car mon frère en a repris 4 assiettes. Pendant que la famille mangeait et que le vent frappait dans la vitre, puis que moi je guettais dehors, je me suis dit que j'avais bien fait. Car sachez qu'il faut jamais aliéner sa liberté ou sa dignité en échange de vaines promesses. Donc, c'était ma première histoire dans le Lobster 0.1. Depuis, il y en a eu plusieurs autres. Bon, en vous parlant de ce Lobster 100, je vous avais aussi parlé que j'aurais des invités. J'avais fait la demande à Céline Dion et René Angélil pour un petit caméo avec moi. Pour René, ça ne sera pas possible, mais pour Céline, c'est positif. C'est fou, elle a accepté via les réseaux sociaux de m'accorder un petit 5 minutes. Et ma demande était très simple. Au secondaire au Saguenay, je me souviens plus quand, si c'était au secondaire 1, 2 ou 3, mais on avait un cours de flûte et j'ai retenu une chanson, une unique chanson qui se trouve à être un grand succès de Céline Dion. Eh bien, je vais l'accompagner à la flûte pendant qu'elle nous chante le succès qui l'a fait connaître, Une colombe. Mais avant, on écoute le court entrevue que j'ai eu avec, on n'a pas eu le temps de jaser très longtemps, on a échangé juste quelques mots. Bonjour Céline, ça va bien? Maybe I'm too much like my... I'm not thinking with my head. I'm talking with my heart. Nobody can open any roofs. Doctors flying in. Take 2 people at a time. Take a kayak. Donc, laisse-moi traduire pour mes auditeurs. En gros, Céline a appris que j'aimais faire du kayak. Elle me disait un peu émotif qu'elle aimerait ça en faire avec moi cet été. Donc, yes, yes, Céline, on prendra mes 2 kayaks et on en fera autour de l'île Perrault cet été. Bon, je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps, donc allons-y avec notre chanson. Merci encore. faire chanter partout sur son passage. C'est déjà tout pour notre duo. Et oui, Céline avait d'autres engagements. Elle me disait que c'était l'heure où elle sortait les poubelles, donc elle pouvait pas être là plus longtemps avec nous. Mais merci encore, Céline, de m'avoir consacré ces quelques minutes pour mon centième lobster. Ça fait chaud au cœur. Et bien sûr, on se voit cet été pour faire du kayak. Directement du club Champignon, c'est la partie des quais. Danny Legros avec vous, en compagnie de mon alcoolite, Ben Bigras. Salut mon Ben! Salut ton Ben! Et Ben, toi, tu as déjà été champion de bowling. Oui, en effet, Danny. Et c'est sur le plancher d'allier que j'ai rencontré celle qui allait devenir la quilleuse de ma vie. Je parle bien sûr de la corpulente, quoique corpulente, Rachel. C'est vrai que tu as toujours préféré jouer avec les grosses. Alors, on vous rappelle que nos champions ce soir, ce sont les jumeaux Bolduc, Guy Bolduc et Lucien Gingras. Oui, et Guy Bolduc qui pratique sa géopersamine depuis que sa femme y revient, est lesbienne. Et pour être champion de bowling, il est déconseillé d'avoir une vie sexuelle. Tu en es la preuve, Danny. Merci. Son jumeau, Lucien Gingras, qui est ramoneur le jour. Et ce qu'on m'a dit, ramonner la nuit. Et là, s'il réussit là-bas, il va faire sa fameuse danse de Saint-Lucien. Oh! La voici, elle est célèbre dans tout le bowling. Quel bel homme. Et leurs aspirants ce soir, ce sont André Frustré et Roger Motte. Oui, Danny, et André Frustré, il la veut, cette victoire. Il la veut, regarde-le. Tout un bonhomme. Quand il se fixe un objectif, là, il ne lâche jamais, comme pourrait témoigner d'ailleurs son ex-épouse, qui la sert depuis 8 ans en lui faisant des appels de menaces à 4 heures du matin quand il revient chaud du club de danseuses. Tout un monsieur. Et Roger Motte, qui à son dernier match, là, a encore réussi une partie parfaite. Oui, Danny, 10 de l'eau consécutive. Et ça, c'est tout un joueur. 210 livres de graisse. Oui, mais laisse-moi te dire qu'après un shampoing, il baisse à 180. Alors, attention, attention, la boule qui se dirige vers une quille. Oh non! Non! Oh non! Non! Non! Non! Non! Non! Oui! Ah! Un Danon, il a échappé boule. On sait que Motte a participé dernièrement à un tournoi à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine avec les patients et qu'il a accompli tout un exploit. Il s'est classé bon 72e. C'est vrai, il est arrivé juste avant le gros mongolien épileptique qui joue avec son set de clés. Non, ça, c'est le gardien. Ça. Oh, oh, oh, pardon. Attention, on revient à la partie. Mes excuses à l'Institut. Guy Bolduc ici, quel athlète! Ah, d'une redoutable beauté! Un fauve en action! Et d'ailleurs, il est propriétaire d'une minoune. Oh! Attention! Et et c'est là-bas! Non, c'est ici, Danny! Comment ça? C'est pas là-bas, c'est ici! Sacré Ben, un vrai bouton de train! On voit le marqueur officiel! Oui, oui, oui, il s'agit d'un stylo feutre à pointe médium. Moi, j'ai jamais compris comment on marquait les points, jeu-là. C'est pas important. La réplique de Frustré ici, regardez ses doigts sur la boule, quelle sensualité! Dis que c'est son caniche Gaétan qui en profite. Et attention, attention, attention. Oui, c'est un abat! Oh non, Danny, c'est un abat! Mais où vas-tu toutes les chercher? Eh bien, Danny, je les emprunte à mon idole Guy Mongrain, un des grands cerveaux de notre époque. C'est vrai que c'est un grand cerveau, il y a beaucoup de place. Enfin, ici, Lucien Gingras, qui s'est, paraît-il, rasé le poil de bras pour avoir l'air plus aérodynamique. Et d'ailleurs, la sueur coule mieux. Oui, il s'est d'ailleurs rasé ailleurs et ça l'aide au niveau du maintien de ses boules. Oh, abat! On retourne à Roger Motte, qui crache à côté de sa boule. Mais oui, c'est comme un dallo de crachat. Ah. Et on sent sa nervosité, hein? Surtout quand il lève le bras. Oh. Mais Danny, pourquoi a-t-il craché sur sa boule? Bien, on sait qu'un peu de salive, là, ça adhère bien à la boule et qu'un morviot de grippe, c'est très apprécié chez le quilleur à effet. Et n'oublions pas que sa séquence est de 258 dallo consécutifs. Pas sûrement la rippe. Oh! Mais non! Oh! Mais c'est un désastre, oh, mesdames non! et messieurs! Roger Motte a raté le dallo. Il est très déçu! Et c'est la victoire de Motte et Frustré. Et Bolduc et Gingras prennent le chemin des couches. Oui, mais ils font ici quand même preuve de sportsmanship. Ils viennent serrer la main de Motte selon la tradition boulinoise. Et s'évanouir au pied du vainqueur. Mais on va revoir le jeu ici. Dis-moi, Ben, là, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un abat au ralenti? À part un calendrier de filles tout nues assis sur des outils, je vois pas d'âne. Ben, écoute, un petit résumé de la partie en deux mots? En deux mots, je dirais épousse et touffelant. Merci, mon Ben. Eh bien, directement du Club Champignon, nous vous disons à la prochaine! Voilà, déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 100.0. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se laisse avec l'épisode 100 de Kaamelott. Question de rester dans le thème. Kaamelott, une série que j'écoute à répétition et qui, pourtant, je n'ai jamais vue au complet. Oh non! Je me cantonne aux trois premières séries, parfois un peu de la 4, mais je ne vais pas plus loin, ça devient trop dark et je ne rigole plus. Donc voilà pour moi. Sur ce, bonne semaine! Oh tiens, Seigneur Léodagan, vous deviez pas arriver hier? Figurez-vous que mon cheval s'est tordu la guibole sur vos saloperies de routes pavées là. Ah, c'est un coup à prendre les routes pavées. Moi, c'est quand même formidable ce pays. Faut galoper à côté de la route pour pas se casser la gueule. Pas de route pavée en Carmélite, il n'y aura pas de route pavée en Carmélite. Je suis encore assez grand pour savoir ce que je veux. Mais quand on va chez vous, la route s'arrête net à la frontière. Après, on patouche dans la boue. Bah, vous n'avez qu'à pas venir chez moi. Voilà, je vous avais demandé, moi. Moi, je pense que le seigneur Léodagan n'a pas encore admis qu'il fait partie des peuples bretons fédérés et que la Carmélite n'est pas un cas à part. C'est vrai que vous faites un petit peu comme ça vous chante, hein. Moi, au Pays de Galles, on m'a dit route pavée, j'ai fait route pavée. Mais vous, de toute façon, on vous auriez de chier dans un bol, hein. La question, elle est simple. Est-ce que vous considérez que vous êtes fédéré ou pas? Mais moi, je veux bien fédérer tout ce que vous voudrez, mais il n'y aura pas de route pavée en Carmélite, point barre. Cette attitude est intolérable. Ce problème doit être réglé. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien à régler. Chut, chut, chut, chut. Sire, tout va bien? Bien. Bien, bien, bien, bien. On a peut-être laissé la discussion s'envenimer un peu. En même temps, il n'y a rien qui presse. On pourrait peut-être passer à l'heure du jour. Oui, oui, parfaitement. On va enchaîner. On réglera ça plus tard. Bon, en fait, l'ordre du jour, c'était la question des routes pavées en Carmélite. Bon, on va pas passer la journée là-dessus, hein, vous avez pas autre chose? Bah, bizarrement, non, aujourd'hui, y a pas surcharge. Ah, bah... Et le Graal? Le Graal? Eh ben, bah, oui, oui, oui, c'est toujours plus ou moins l'ordre du jour. Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas, vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. On repousse les barbares, on tient tête aux Romains, on va bien réussir à trouver un vase, non? Tout ça, c'est question d'organisation. On va quadriller le secteur et se partager les zones. Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où. Moi, je pars en Judée. On ne sait jamais. Dieu vous assiste. Hé, hey, quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph d'Arimathie? Moi, je crois que la clé, c'est Avalon. Si on trouve Avalon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. Hey, sauf que... Ouais. Pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmélide. Et en Carmélide, il n'y a pas de route pavée. Oh, vous allez pas recommencer à me gonfler, hein? Ça va drôlement ralentir les recherches. Eh ben, vous n'avez qu'à les faire ailleurs, vos recherches. Vous allez vous entêter encore combien de temps? Le temps qu'il me plaira. J'ai pas l'habitude de me laisser donner des leçons pour des pécores dans votre genre! Ce qui est obligatoire pour tout le monde, ça l'est aussi pour vous! Si vous voulez pas faire d'efforts, on s'en sortira jamais! Là, vous allez commencer par faire l'effort, par fiche la paix! Le premier Romain qui pose à Paris chez moi, je lui fais bouffer, je reviens pas là-dessus! S'il y en a un qui veut régler ça à la filoche, hein, ça peut aussi s'envisager!